Il était doux le temps où nous étions sauvages. Boire l'eau d'un ruisseau, dîner sous un chêne, se reposer à l'ombre de quelques feuillages, sans plus de pensée que de peine. Quand venait le soir, chacun au hasard se cherchait, mâle et femelle pour une seule nuit à se plaire, sans encore le devoir d'une éternelle fidélité qui ne sert qu'à faire des adultères. Qu'il était doux le temps où nous étions sauvages, sans frontières et sans propriété. Quelle folie de s'être imposé tant d'esclavage au nom d'un monde plus civilisé. Pauvres individus à trop vouloir dominer, et fiers de nos lois réprimant leurs propres injustices, si perdus à jamais l'originelle félicité. Seules les vertus vaincront une vie d'artifice.